confiance, ça, ça me fait sa conscience. Si on se met ensemble, ça, il me semble que ça n'a pas de sens. Tant d'années de haine qui a amené une confusion. À cause de qui? À cause de nous, la violence est précoce. On devient tous taureaux. Avant de forcer, faut foncer. Au clair ou foncé, il faut essayer. Écrire des textes sensés, sans déraper. Pas parler de sensei quand ton cœur tu veux le vider. Quelle idée, faire du lying pour du fashion. Je m'ennuie, même quand y'a plein de monde qui s'amuse, hey, je m'ennuie. Constamment à la recherche de plaisir, je m'ennuie. Même quand j'appuie, je m'amuse, deux heures plus tard, je m'ennuie encore. En plein cœur de l'impulsion, je suis le fruit de la passion. Je sens qu'on me sous-estime sans raison, que je le veuille ou non. Je me sens pogné dans ma propre prison. Mon esprit enchaîné fait que j'ai de moins en moins d'amour à donner. À chaque jour, mon cercle de frais, tu me ratisses. Je compte sur une main, si je te donne mon respect, j'ai pas le goût que tu m'accèdes le lendemain. Hey, des faux chums, j'en ai perdu des tonnes. Fuck, mon respect, je fais confiance. Personne, des faux chums, j'en ai perdu les tonnes. Dans le download, ils savent, pas besoin que j'énomme. Des deux faces traites comme toi et mon homme. C'est rien que du lying, c'est rien que du lying. Pour le fashion, ça mérite rien que je t'en crissonne. J'assume mes faits, mes erreurs, mes gestes. Mais les menteurs, ça me stresse trop même. C'est notre peur qui engêne les problèmes qui engênent la haine. Puis c'est la haine qui mène la game, la haine mène la game. Stop ton lying, sous la marre partout. On s'en a pas sauvé que dans notre bag, yo, tu crash sur nous. C'est rien que du lying, pour du fashion, ça mérite. Stop ton lying, fous la marre partout. Ça n'a pas sauvé que dans notre bag, yo, tu craches sur nous. C'est rien que du lying pour du fashion, ça mérite rien que j't'en crisse. Dans ma face, on me dit que j'suis fat, mais dans mon bag, on me jalouse, ça prouve. Qu'y a des bouches qui manquent toujours. C'est rien que du lying pour se rapprocher des gens. Le sentiment de savoir personne, ça se passe à la hauteur. Ça rabaisse tout le monde, les roches. C'est qu'on s'en aperçoit un jour ou l'autre, et comme l'apôtre, un pion parmi tant d'autres. Connaissance, me connaissent, c'est pas de ma faute, j'taille à la face. Pourtant, on était les deux meilleurs chums du monde. On débarrasse, les deux faces, j'en ai plein mon casque. Réveille, pourquoi tu t'amuses à parler sur tout le monde? On est pas sur les mêmes ondes, on se connecte plus. Facteur X, TQ, on se connecte plus. Des faux chums, j'en ai trop vu. Ça s'en va, ça revient, ça parle en mal, ça revient. Back in the days, t'aurais donné un bon coup de main. Watch les points, tu vois bien qu'on gagne sur toute la ligne. Ta vie c'est comme un ring, mais avec un juge. C'est rien que du lying. Ta vie c'est comme un ring, mais avec un juge. C'est rien que du lying, ok? Stop ton lying, sous la marre partout. Ça n'a pas sauvé que dans notre bag, yo, tu craches sur nous. C'est rien que du lying, pour du fashion, ça mérite rien que je t'en crisse. Stop ton lying, sous la marre partout. Ça n'a pas sauvé que dans notre bag, yo, tu craches sur nous. C'est rien que du lying, pour du fashion, ça mérite rien que je t'en crisse. Yo, c'est rien que du lying, ça passe de savoir, ça se fait savoir. Et si je te passe un bon lit du soir.